Inspiré des travaux sur la biologie animale de Jean Roustan et de son frère Edmond, célèbre otorino-laryngologiste, voici une étude, j'ose le dire, exhaustive, relative, sensitive, décisive, pugnace de Loyola. Ad hoc et Mirou, Miroupette bien sûr, sur les OGD, les organismes génétiquement dépravés, les autruches bleues. Ils étaient deux, à la fût près d'une fourgonnette bleue, et moi tout seul, au volant de ma vieille bagnole, au volant de ma vieille bagnole. En général, je respecte tout animal qui traverse la chaussée. Une cohorte de cloporte, une théorie de chameau, une limace, un serpent de mer venimeux, sorti des abysses du Loch Ness. Le pitbull avide de caresse d'un militant néo-SS. Une migale en cavale, une amibe dans son bocal. Un troupeau de vaches du Cantal ou du Népal. Tous les animaux sont sacrés, sauf ces deux-là. À l'affût près d'une fourgonnette bleue, ouais. Et moi tout seul, au volant de ma vieille bagnole. Au volant de ma vieille bagnole. J'ai eu très peur quand un des deux a poussé des cris stridents, un peu comme un long sifflement. Sans doute un vieux mâle courageux qui, pour protéger sa femelle, s'est mis en travers de la route. Pour moi, il n'y avait plus aucun doute, il s'apprêtait à me charger. Mais c'est que... ils étaient deux. Fut près d'une fourgonnette bleue, et moi tout seul, au volant de ma vieille bagnole. Comme l'asphalte était mouillé, je suis parti en tête à queue. J'ai réussi à l'éviter, mais j'ai ressenti un petit choc à l'avant-droit de mon pare-choc. Il était peut-être blessé, je ne pouvais l'abandonner. Malgré le danger que représente une bête blessée, et c'est que... ils étaient deux! À l'affût près d'une fourgonnette bleue, et moi tout seul, au volant de ma vieille bagnole, au volant de ma vieille bagnole. Avec le brouillard et la pluie dans les phares, j'ai cru que c'était un sanglier, ou bien un bovin égaré. Mais ça n'était qu'un gros poulet avec une aile abîmée, un gigantesque volatile, nourri au grain de Tchernobyl, énorme autruche déplumée, génétiquement dépravée, effrayante peluche bleue. J'ai pourtant fait le bouche à bouche, l'animal n'était pas farouche. Quand il a repris ses esprits, j'ai cru qu'il balbutiait. J'ai cru qu'il balbutiait. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci, merci. Mais l'infernal animal me murmurait. Procès verbal. Je me suis réveillé en sueur, de peur. J'ai saisi mon magnum 357 rectifié dans Pérignon 96. J'avais très soif. Et je tenais le sein de Josiane à ma droite, à ma gauche, celui de Sandrine, les deux ravissantes pervenches que j'ai levées sur le parking de l'hôtel de ville hier soir. Oh mais quel rapport! Mais quel rapport! Ah mais c'est vrai! Dans mon cauchemar! Ils étaient deux, à l'affût près d'une fourgonnette bleue, et moi tout seul, au volant de ma vieille bagnole, au volant de ma vieille bagnole. Ils étaient deux, à l'affût près d'une fourgonnette bleue, et moi tout seul, au volant de ma vieille bagnole, au volant de ma vieille bagnole.